Rythme et accent. Page 35. Activité 1. Écoutez et comptez le nombre de syllabes prononcées dans chaque série de mots.